On va parler d'arts martiaux mix. Une personne que vous connaissez bien lance un nouveau livre. Pat Côté, analyste à RDS, qui lance un livre aux éditions de l'Homme avec Joanie Godin, en collaboration avec Joanie Godin. Il est question un peu de savoir qu'est-ce qui va ressortir de ce livre-là. On lui parle. Salut Pat! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Pat, en fait, de la manière que j'ai pu comprendre, je vais la recevoir, sûr qu'en région, c'est toujours plus long à recevoir ça. C'est-tu parce que les arts martiaux mix avaient une mauvaise presse, on a comme voulu un petit peu montrer que les arts martiaux mix peuvent apporter de bonnes choses dans la vie? C'est à peu près ça que j'ai pu comprendre, c'est ça? Ben, pas nécessairement. Écoute, moi, j'ai fait 15 ans dans ce sport-là, 12 ans dans l'ancien de l'UFC. Donc, j'ai l'expérience pour parler de ce sport-là de fond en comble. Et dans ce livre-là, on démystifie des mythes, on parle des vérités, on démentit des grosses choses qu'on pense que c'est pas vrai, dans le fond, des mensonges. On parle de toutes sortes de choses, que ça part des règlements jusqu'aux oreilles, en chou-fleur, de la déshydratation. Donc, on sort vraiment partout. Donc, c'est une bible d'information pour les arts martiaux mix. OK. Ça tombe bien, hein, parce qu'on dira ce qu'on voudra. Cet été, vous avez eu à vous battre pour déconfiner votre sport. Et ça n'a pas été facile, là. La manière qu'on a pu voir, ben, il y avait un petit peu des préjugés. Ben, des préjugés, je pense que c'était plus un manque d'information. C'était juste un petit peu dommage parce que, de l'autre côté, chez nos amis américains, on avait développé un système qui marchait pour les tests, et on a eu de la difficulté, je pense ici, à vouloir s'inspirer d'eux autres. Finalement, bien, je pense que là, présentement, ça va se déconfiner tranquillement. Au niveau des sports, il faut que ça soit encore bien régi. Le virus est encore là, il faut faire ça, faire les choses comme il faut. Mais il y a un système qui existe, qui est bien implanté, puis on a juste à le suivre. OK. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Tu m'as dit, c'est en gros, en général, les premiers chapitres, tu parles-tu de ta carrière? Tu parles-tu de comment tu as vécu ça? Ben, c'est un livre qui parle des arts martiaux mixtes. C'est pas une biographie sur ma vie. C'est moi qui en parle. C'est sûr que je parle de mon expérience. Je parle de ma carrière pour donner certains exemples dans le livre. Beaucoup d'anecdotes aussi, des choses qui se passent à l'arrière des rideaux. Qu'est-ce qui se passe après un combat entre les combattants? Qu'est-ce qui se passe entre les combattants dans l'intérieur de l'octogone? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent entre deux combattants. On parle énormément du respect entre les athlètes parce que maintenant, rendu à un certain niveau, c'est plus des combattants, c'est des athlètes qui s'entraînent à temps plein. C'est des athlètes qui s'entraînent pour être le plus complet possible pour pouvoir performer à ce sport-là. C'est des arts martiaux mix, hein. Donc on a trouvé un nom pour parler de ce sport-là. C'est plus des combats extrêmes, c'est plus des combats ultimes, c'est des arts martiaux mix. Donc on part vraiment des tout débuts et j'explique l'évolution de ce sport-là et on passe par plusieurs choses, plusieurs anecdotes, plusieurs histoires et des témoignages de quelques personnes qui sont dans le livre aussi. OK. Donc écoute, c'est très, très, très, c'est vraiment, vraiment intéressant. Pat, donc c'est aux éditions de l'Homme, c'est ça? Ça s'appelle Dans l'Octogone. Exactement. À partir d'aujourd'hui, c'est dans toutes les bonnes librairies à travers le Québec. Donc, vous pouvez aller chez René Aubry, chez Archambault ou toutes les autres qui existent. Sinon, vous pouvez le commander également sur le site des éditions de l'Homme ou sur tous les sites des librairies. Vous pouvez commander sur la version papier ou la version web. Donc, c'est accessible maintenant à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est ici à la librairie centrale de Dolbeau, Mississippi également, qui sera disponible, j'imagine, bientôt. Ça doit être plus difficile de lancer un livre avec la COVID demain. Ben, c'est sûr qu'au niveau du lancement, on est un peu plus restreint. Hein. On peut pas faire de lancement public. Tous les salons du livre ont été annulés aussi. Donc, écoute, nous autres, ça fait quand même un an qu'on travaille sur ce projet-là. Donc, on pouvait pas vraiment le retarder plus que ça parce que c'est un livre qui est quand même très actuel aussi. Donc, je parle de la relève ici au Québec. Je parle de la situation qui est aussi des arts martiaux mixtes ici au Québec. Et en général, le sport est rendu là. Je pense que c'est le bon temps pour sortir un livre pour démystifier plusieurs choses dans ce sport-là, d'adoucir l'image de violence dans ce sport-là parce que c'est un sport qui est violent, c'est un sport qui est de contact. Mais la violence que tu as envers chacun des sports, ben, elle t'appartient comment tu veux la juger. Je prends toujours comme exemple, moi je trouve ça plus violent, un crash check au hockey dans la bande que deux combattants dans un octogone qui s'entraînent pour justement ça et qui se frappent dessus. Donc c'est sûr que si tu t'arrêtes à deux personnes dans un octogone qui se frappent dessus et que tu vas pas plus loin, ben, il y a des bonnes chances que t'aimes ça, que t'aimes pas ça. Sauf que ce livre-là est pas là pour te convaincre d'aimer ce sport-là. Ce livre-là est là pour te faire comprendre c'est quoi ce sport-là et peut-être avoir un meilleur respect envers les athlètes qui le pratiquent. OK. Pat, dis-moi, est-ce que tu as parlé de la relève, c'est important, tu as Charles Jourdain, tu en as d'autres qui ont combattu au cours des derniers mois avec plus ou moins de succès sur le UFC. Tu as le TKO qui préparait une relève, ça semble-t-il. En tout cas, dernière nouvelle, j'ai pas vu que les activités allaient recommencer. C'est pas facile hein, remplacer un Georges Saint-Pierre. Puis c'est pas nécessairement ça que vous visiez, hein? Écoutez, c'est pas facile à juste développer la relève ici au Québec, là, parce qu'il n'y a pas d'organisation sérieuse qui sont là. TKO était une très bonne organisation, mal gérée cependant, mais était une très bonne organisation pour la vitrine des combattants pour développer justement la relève, parce qu'on a beaucoup de talent ici au Québec, mais ils sont pris dans leur gymnase, il faut qu'ils aillent s'exiler, il faut qu'ils aillent se battre à l'extérieur, ce qui demande beaucoup de sous quand même, là. Donc, c'est sûr, quand tu vas te battre à l'extérieur, tu reviens, puis t'as pas fait d'argent, tu finis avec des dettes, là. Donc, c'est vraiment un sacrifice à faire et tu vis de ta passion au début, puis tu vis pas de l'argent que tu fais, là. Donc, c'est extrêmement difficile, ici au Québec, de repartir sur des bases, de remplacer des gars comme Georges, de remplacer des gars comme moi, qui ont pavé même David Loiseau, qui a pavé la voie de ce sport-là pour les Québécois. Maintenant, c'est difficile pour les jeunes de se faire voir et de combattre régulièrement pour s'améliorer. Ah, effectivement, puis c'est pas facile. Valérie Letourneau, est-ce qu'elle a été bien vendue? Parce que moi j'ai fait plusieurs entrevues, j'ai fait deux, trois entrevues avec Valérie. C'était quelque part, moi je trouvais qu'elle était belle, elle avait une belle personnalité, elle s'exprimait bien. Qu'est-ce qui est arrivé dans son cas? Puis là, elle est rendue, je pense, chez Bellator, si je m'amuse bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Valérie est en retraite présentement. Ouais, mais... Valérie est en retraite maintenant. Valérie est une des quatre personnes qui font des témoignages dans le livre aussi. Okay. Donc, elle explique la difficulté de ce sport-là, où est-ce qu'elle est allée, comment elle a réussi à se rendre au sommet et les séquelles qu'elle a au niveau du corporel aussi après la carrière, que c'est un sport qui est extrêmement dur au niveau du corps. Donc, j'ai quatre témoignages de quatre combattants qui sont dans le livre. Donc, deux qui ont réussi et deux qui n'ont pas réussi. Et la différence, la ligne est mince entre celui qui a réussi et celui qui n'a pas réussi. Donc, c'est pas nécessairement une question de talent. Mais Valérie Letourneau est une des combattantes qui est dans l'île, qui fait des témoignages, qui est quand même assez surprenant, mais quand même assez touchant aussi. Là. Ouais. Ben, pas de côté, donc je rappelle Librairie Centrale, ça s'appelle Dans l'Octogone. Et c'est un sport, je parle un peu des arts martiaux mixtes, démystifie ce sport qui a pas connu seulement une bonne presse. Ça a commencé sur les réserves indiennes et ainsi de suite. Pas de côté, gros merci, on va se reparler un autre tantôt. Merci beaucoup. Pas de côté, l'analyse de RD.